Ils voulaient aussi entendre l'histoire d'Idève à Dève, mais ils n'en eurent qu'une. Le sapin se tenait coi et écoutait. « Oui, oui, voilà comment vont les choses dans ce monde, » pensait-il. Il croyait que l'histoire était vraie, parce que l'homme qui la racontait était élégant. « Oui, oui, sait-on jamais, peut-être tomberai-je aussi du haut de l'escalier et épouserai-je une princesse. » Il se réjouissait en songeant que le lendemain, il serait de nouveau ormé de lumière et de jouets, d'or et de fruits. Il resta immobile et songeur toute la nuit. Au matin, un valet et une femme de chambre entrèrent. « Voilà la fête qui recommence, » pensa l'arbre. Mais ils le traînèrent hors de la pièce, en haut des escaliers, au grenier, et là, dans un coin sombre, où le jour ne parvenait pas, ils l'abandonnèrent. « Qu'est-ce que cela veut dire? Que vais-je faire ici ?» Il s'appuya contre le mur, réfléchissant, et il eut le temps de beaucoup réfléchir, car les jours et les nuits passèrent, sans qu'il ne vînt personne là-haut, et quand, enfin, il vint quelqu'un, ce n'était que pour déposer quelques grandes caisses dans le coin. Elles cachaient l'arbre complètement. L'avait-on donc tout à fait oublié? C'est l'hiver dehors. Maintenant, pensait-il, la terre est dure et couverte de neige. On ne pourrait même pas me planter. C'est sans doute pour cela que je dois rester à l'abri jusqu'au printemps. Comme c'est raisonnable, les hommes sont bons. Si seulement il ne faisait pas si sombre, et si ce n'était pas si solitaire. Pas le moindre petit lièvre. C'était gai, là-bas, dans la forêt, quand, sur le tapis de neige, le lièvre passait en bondissant. Oui, même quand il saute au-dessus de moi. Mais, dans ce temps-là, je n'aimais pas ça. Quelle affreuse solitude ici. Pip, pip, fit une petite souris en apparaissant au même instant. Et une autre la suivait. Elles flairèrent le sapin et furetèrent dans les branches. « Il fait terriblement froid, » dit la petite souris. « Sans quoi, on serait bien ici, n'est-ce pas, vieux sapin ?»« Je ne suis pas vieux du tout, » répondit le sapin. « Il y en a beaucoup de bien plus vieux que moi. »« D'où viens-tu donc ?» demanda la souris. « Et qu'est-ce que tu as à raconter ?» Elles étaient horriblement curieuses. « Parle-nous de l'endroit le plus exquis de la terre. »« Y as-tu été ? As-tu été dans le garde-manger ?»« Je ne connais pas ça, » dit l'arbre. Mais je connais la forêt où brille le soleil, où l'oiseau chante, et il parlait de son enfance. Les petites souris n'avaient jamais rien entendu de semblable. Elles écoutaient de toutes leurs oreilles. « Tu en as vu des choses. Comme tu as été heureux, moi, » dit le sapin, en songeant à ce que lui-même racontait. Oui, au fond, c'était bien agréable. Mais ensuite, il parla du soir de Noël, où il avait été garni de gâteaux et de lumière. « Oh !» disent encore les petites souris. « Comme tu as été heureux, vieux sapin. »« Mais je ne suis pas vieux du tout. Ce n'est que cet hiver que j'ai quitté ma forêt. Je suis dans mon plus bel âge. On m'a seulement replanté dans un tonneau. » »« Comme tu racontes bien, » dirent les petites souris. La nuit suivante, elles amenèrent quatre autres souris pour entendre ce que l'arbre racontait. Et à mesure que celui-ci parlait, tout lui revenait plus exactement. C'était vraiment de bons moments, pensait-il. Mais ils peuvent revenir, ils peuvent revenir. Dump le ballot est tombé du haut de l'escalier, mais il a tout de même eu la princesse, peut-être en aurais-je une aussi. Il se souvenait d'un petit bouleau qui poussait là-bas, dans la forêt, et qui avait été pour lui une véritable petite princesse. « Qui est Dump le ballot ?» demandèrent les petites souris. Alors le sapin raconta toute l'histoire. Il se souvenait de chaque mot. Un peu plus, les petites souris grimpaient jusqu'en haut de l'arbre de plaisir. La nuit suivante, les souris étaient plus nombreuses encore. Et le dimanche, il vint même deux rats, mais ils déclarèrent que le conte n'était pas amusant du tout, ce qui fit de la peine aux petites souris. De ce fait, elles-mêmes l'apprécièrent moins. « Eh bien, merci, » dirent les rats en rentrant chez eux. Les souris finirent par s'en aller aussi, et le sapin soupirait. C'était un vrai plaisir d'avoir autour de moi ces petites souris agiles, à écouter ce que je racontais. C'est fini. Ça aussi. Mais maintenant, je saurai goûter les plaisirs quand on me ressortira. Mais quand ? Ce fut un matin, des gens arrivèrent et remuèrent tout le grenier. Ils déplacèrent les caisses, tirèrent l'arbre en avant. Bien sûr, ils le jetèrent un peu durement à terre, mais un des valets le traîna vers l'escalier, où le jour éclairait. « Voilà la vie qui recommence, » pensait l'arbre, lorsqu'il sentit l'air frais, les premiers rayons de soleil, et le voilà dans la cour. Tout se passait si vite, la cour se prolongeait dans un jardin en fleurs. Les roses pendaient fraîches et odorantes par-dessus la petite barrière, les tilleuls étaient fleuris et les hirondelles voltaient en chantant. « qui vit, mon homme est arrivé !» Mais ce n'était pas du sapin qu'elle voulait parler. « Je vais revivre, » se disait-il, enchanté, étendant largement ses branches. Hélas, elles étaient toutes fanées et jaunies. L'étoile de papier doré était restée fixée à son sommet et brillait au soleil. Dans la cour, jouaient quelques enfants joyeux qui, à Noël, avaient dansé autour de l'arbre et s'en étaient réjouis. L'un des plus petits s'élança et arracha l'étoile d'or. « Regarde ce qui est resté sur cet affreux arbre de Noël !» s'écria-t-il en piétinant les branches qui craquaient sous ses souliers. L'arbre regardait la splendeur des fleurs et la fraîche verdure du jardin, puis, enfin, se regardait lui-même. Comme s'il eût préféré rester dans son coin sombre au grenier, il pensa à sa jeunesse dans la forêt, à la joyeuse fête de Noël, aux petites souris, si heureuses d'entendre l'histoire de Dimple Ballo. Fini, fini. Si seulement j'avais su être heureux quand je le pouvais. Le valet débita l'arbre en petits morceaux. Il en fit tout un grand tas qui flamba joyeusement sous la chaudière. De profonds soupirs s'en échappèrent. Chaque soupir éclatait. Les enfants qui jouaient au dehors entrèrent s'asseoir devant le feu et crièrent « Pif, paf !» à chaque craquement. Le sapin, lui, songeait à un jour d'été dans la forêt ou à une nuit d'hiver quand les étoiles étincelaient. Il pensait au soir de Noël, à Dimple Ballo, le seul conte qu'il eût jamais entendu et qu'il avait su répéter, et voilà qu'il était consumé. Les garçons jouaient dans la cour. Le plus jeune portait sur sa poitrine l'étoile d'or qui avait orné l'arbre au soir le plus heureux de sa vie. Ce soir était fini, l'arbre était fini, et l'histoire aussi, finie, finie comme toutes les histoires. C'était la conclusion de Le Sapin de Hans Christian Andersen. Vous trouverez l'intégrale de ce conte sur audiocité.net. Toutes les lectures de K00 pour Audiocité sont à www.audiocité.net/K00.html. Je vous rappelle une fois de plus que toutes les émissions d'Espace-Temps sont disponibles sur le blog de Dieu Libris à www.dieulibris.net. Merci de votre attention. À bientôt.